Les rassemblements de masse de la province du Hamgyong du Nord et de la ville de Rasun ont eu lieu le 18 pour féliciter le 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Y ont pris part les officiels des organismes locaux du parti et du pouvoir, des établissements économiques, des organisations des travailleurs et les travailleurs des usines, entreprises et fermes et les étudiants des grandes écoles. Les orateurs ont parlé de l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti Travail de Corée au nom de la volonté et des vues unanimes de tout le parti, de toute l'armée et de tout le peuple, et souligné que le dernier congrès du parti était le rendez-vous de la victoire et de la gloire qui a marqué l'apogée dans la lutte pour renforcer davantage notre parti et achever la cause révolutionnaire du Tse par la transformation de toute la société par le kim-sunisme, kim-jong-lisme. Ils ont appelé les cadres, militants du parti et autres travailleurs à s'engager à l'œuvre pour appliquer la décision du 7e congrès du parti avec le même esprit et la même passion manifestée pendant la campagne de 70 jours. Il y a eu ensuite les manifestations de masse.